menu de notre table ronde d'actualité du vendredi, il sera question des mystères du placenta. Pourquoi cette interface étrangère entre le fœtus et la mère laisse-t-elle passer certains virus et d'autres non? Comment agit-il sur le système immunitaire maternel? Nous irons également faire de la sismologie sur Mars via la mission InSight, une mission qui embarquera des instruments conçus par le CNES pour percer les secrets du noyau de la planète rouge. Et enfin, l'étrange population des hommes-poissons. Ça se passe en Indonésie, une population insulaire a évolué jusqu'à pouvoir tenir 13 minutes en apnée. Mystère du placenta, secret du noyau martien, étrange homme-poisson, ce sont quelques-uns des énigmatiques sujets que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue à la méthode scientifique. Et pour lever le voile de mystère qui pèse sur ces étranges sujets, nos enquêteurs aux frontières de la science et de la réalité sont aujourd'hui l'inquiétant Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Rédacteur en chef totipotent du pôle numérique de Science et Avenir, la terrible Cécile Lestienne. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Implacable directrice de la rédaction de Pour la Science et l'impavide Léo Grasset. Bonjour. Oui, un pavide, tout à fait, absolument, qui ne recule devant aucun danger pour vous livrer ces vidéos sur la chaîne YouTube Dirty Biology. Mais avant de plonger plus avant dans ce monde trouble et fascinant, elle est la reine mère du 9e cercle des arcanes majeures, des sciences les plus intrigantes. Mais oui, j'essaye de mettre une aura de mystère dans cette émission. Bonjour, très sérieuse. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, la NASA annonce que la construction de sa station orbitaire autour de la Lune va commencer dès 2019. C'est la première étape de son programme qui doit amener les premiers hommes sur Mars en 2030. Et oui, puisqu'entre Mars et le début de ce mois, la NASA a dévoilé sa feuille de route en 5 étapes pour l'exploration humaine de la Lune, puis du système martien. Elle a rendu public le calendrier des missions d'assemblage, de logistique, ainsi que celui des missions habitées, puisque je rappelle que Donald Trump a très clairement indiqué en début de mandat son désir de reprendre le flambeau de la conquête de Mars par des humains et de se servir donc de la Lune comme de tremplin pour atteindre la planète rouge avec l'assemblage d'une passerelle vers l'espace profond, Deep Space Gateway, qui nécessitera 4 missions et la construction en orbite d'un système de transport vers l'espace profond. Alors William Gerstenmayer, l'administrateur associé de la direction de l'exploration et des opérations humaines de la NASA, a annoncé lundi que le premier investissement pour cette plateforme sera pour les éléments de propulsion et d'énergie et qu'elle interviendra dès l'année prochaine, dès 2019. Alors j'ai demandé son regard sur cette feuille de route de la NASA générale à Christophe Lasseur. Il est coordinateur des activités support vie de l'ESA et il dirige le projet Mélissa qui a pour objectif l'étude des supports de vie autonomes. On se situe quand même dans un contexte qui aujourd'hui est relativement flou. On voit effectivement qu'il y a un recentrage autour des orbites lunaires aujourd'hui qui semble une étape à venir avant d'aller vers Mars. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord que la connaissance actuelle, la robustesse des technologies ne nous permet pas d'aller directement vers Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà essayer de comprendre un peu mieux et valider des technos dans une orbite qui sera plus une orbite terrestre où on sera entre autres exposé fortement aux radiations. Ça, je pense que c'est quand même un des challenges. Aujourd'hui, la station spatiale internationale, comme la station chinoise, orbite sous les ceintures de Van Allen, c'est-à-dire qu'elles sont protégées des radiations. Et là, on s'en va vers un vol vers Mars où on va exposer notre véhicule et l'équipage à une forte dose de radiation. Avoir la possibilité d'avoir cette plateforme en orbite lunaire, pour simplifier, et pouvoir aller faire de la recherche pour valider ces technos ou mieux comprendre les fédérations, ça me paraît pertinent. Par contre, je dois vous dire que c'est un vrai travail de recherche à faire. Il n'apparaît pas, si vous regardez bien, dans les phases lunaire 1 et phases lunaire 2, ce n'est pas clairement dit que ce sera une plateforme de recherche. Bon, encore une fois, pour l'instant, on a des documents qui sont encore, en élaboration et en discussion. Je vais me limiter à mon petit domaine, qui est le support vie. Et moi, je vous dis que dans le domaine de support vie, aujourd'hui, si on n'a pas une plateforme de recherche, on aura un manque et on aura une connaissance qui nous obligera à prendre des risques pour pouvoir aller directement en phase 3. Alors il reste encore un certain nombre d'inconnus hein, pour cette feuille de route américaine. La première d'entre elles, le niveau de coopération et de participation des agences européennes, de l'Agence spatiale européenne, et puis également la collaboration avec la firme privée SpaceX. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de ça, il y a Elon Musk, le charismatique patron de l'entreprise, qui se dit prêt, lui, à se préparer à envoyer directement une centaine d'hommes sur Mars dans les années 2030, sans passer par la case Lune. Parce que si on l'a entendu, hein, certains, notamment à l'ESA, poussent pour cette étape lunaire. D'autres, comme Richard Heidman, ingénieur en propulsion spatiale et vice-président fondateur de l'association Planète Mars, ne comprend pas ce choix, qu'il juge aussi absurde qu'inutile scientifiquement et économiquement. C'est un peu curieux parce que on sent qu'il y a des pressions, si vous voulez, de certains milieux, et en particulier de l'ESA, de l'Europe, pour commencer par la Lune et reporter l'échéance martienne parce que c'est plus risqué, plus difficile, plus coûteux. Mon point de vue, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin tel que c'est présenté. Si vraiment on s'intéresse à la Lune, ben, il faut descendre sur la Lune. Par contre, l'idée de ce qu'ils appellent la Gateway, la station orbitale lunaire, moi personnellement, je trouve que c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis d'argent, c'est du gâchis de temps. Et ça ne sert à rien. Il n'y a que sur l'aspect psychologique que ça joue, je dirais. Mais parce que l'idée, c'est quand même de développer les vaisseaux qui permettront d'aller vers Mars, hein, c'est bien dit comme ça, et de les tester dans le domaine lunaire. Ces vaisseaux qui sont faits pour supporter un voyage lointain, que vous les testiez en orbite terrestre ou en orbite lunaire, ça ne change absolument rien. Si on veut tester, par exemple, la résistance aux radiations, effectivement, il faut pas se contenter d'une orbite basse ou montée, une orbite terrestre au-dessus des ceintures de Van Allen, mais c'est quand même beaucoup moins coûteux que d'aller faire une station spéciale autour de la Lune. La seule utilité, elle est programmatique, c'est-à-dire de donner un but intermédiaire au lanceur, de faire fonctionner l'industrie. Mais enfin bon, il vaut mieux faire ça que rien du tout. Gros inconvénient, c'est qu'elle engage des frais sur des résultats intermédiaires, et on n'a aucune idée de combien ça coûte. Donc s'il dépasse complètement le cadre du budget disponible, il est tué tout de suite. C'est ce qui s'est passé avec le programme de la Space Exploration Initiative en 89. En bref, ça necte sur Uranus. Oui, Uranus sans mauvais, une étude le confirme. Cette étude, elle est parue dans Nature Astronomy et elle s'est appuyée sur les données du télescope Gemini North d'Hawaï qui nous a permis d'identifier la composition des nuages d'Uranus situé à plus de 3000 km de nous, 3 millions. Et la planète de glace géante sent en fait le sulfure d'hydrogène. On le sait maintenant, un gaz qui sent très fort concrètement, disons-le, l'œuf pourri et qu'on retrouve aussi dans les émanations des volcans. Entre autres, Sentinel-3B est le septième des satellites européens qui a été lancé mercredi depuis la Russie et qui va aller rejoindre son jumeau Sentinel-3B en orbite à 815 km d'altitude. Avec un but d'observer les océans, avec une série d'instruments de pointe, Sentinel-3 est la plus complexe des missions Sentinel. Grâce à son radar altimètre, le satellite va mesurer la hauteur des océans, des lacs, des rivières, mais aussi l'épaisseur des banquises et des glaciers. Il fournira quotidiennement les températures à la surface des eaux, mais aussi des sols. Et grâce à un spectromètre imageur, il peut aussi connaître la couleur des océans, qui peut nous aider à mieux comprendre la chaîne alimentaire et le climat. Deuxième sujet de ce journal, science. Environ un tiers des adultes français est concerné par l'hypertension artérielle et la moitié de ces personnes l'ignorent encore. C'est une étude décennale de Santé publique France. Oui, qui nous le dit, cette étude à la méthodologie complexe et assez imparable a été réalisée pour la première fois il y a 10 ans et elle livre donc 10 ans plus tard des résultats assez inquiétants. L'hypertension, qui est favorisée par le surpoids, la sédentarité, le tabac, le diabète, est responsable de 13% des décès dans le monde, rappelle cette étude. Elle doit être traitée. Si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 ou la pression artérielle diastolique à 90, il y a hypertension. Or, les résultats de cette étude montrent des chiffres assez inquiétants en matière de prévention et de prise en charge, explique Valérie Ollier. Elle est épidémiologiste à Santé publique France. Ces résultats sont effectivement assez surprenants. On s'attendait à ce que la connaissance de la pathologie par les patients hypertendus se soit améliorée. Dans d'autres pays européens, on atteint des niveaux de connaissance de la pathologie de 80%, notamment en Allemagne, ou en Angleterre ou au Portugal. La connaissance de la pathologie est restée malheureusement assez stable et à un niveau plutôt bas. Donc en France, on est seulement à 50%, seulement 1 sur 2 qui a connaissance de sa maladie. Donc il y a un vrai souci d'acceptation du diagnostic par les patients ou d'annonce du diagnostic aux patients. Alors les femmes sont toujours moins touchées que les hommes. La fréquence de l'hypertension est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et ça n'a pas évolué au cours du temps. Néanmoins, ce qu'on observe dans cette étude, c'est que les femmes se traitent moins pour leur hypertension qu'il y a 10 ans. La chute est assez impressionnante. Elles étaient 86% traitées il y a 10 ans. Elles ne sont plus que 70%. Donc on a eu une diminution à ce niveau-là qui est un signal plutôt assez défavorable chez les femmes. En bref, une nouvelle forme d'ADN a été observée pour la première fois dans des cellules humaines vivantes. Oui, cette nouvelle conformation d'ADN dite en boucle, son nom de baptême c'est Imotif, au lieu de la fameuse double hélice, a été observée dans des cellules vivantes pour la première fois par une équipe australienne qui publie leurs travaux dans Nature Chemistry cette semaine. Cette structure de l'ADN semble être transitoire mais déterminante dans la régulation des gènes pendant le cycle cellulaire. C'est nœuds d'ADN, on les avait déjà observés en laboratoire dans des conditions de pH acide qui ne correspondaient pas aux conditions physiologiques, et la possibilité de les observer in vivo divisait les scientifiques. Et bien cette équipe australienne a pu mettre en évidence la présence de ces motifs dans des cellules lui-même en concevant un anticorps destiné expressément à les repérer. La parité homme-femme, ça n'est pas pour tout de suite, Zoé. La parité homme-femme dans les sciences, parce que les chercheurs de l'Université de Melbourne ont utilisé des bases de données de PubMed et d'articles d'Arxiv pour répertorier plus de 10 millions d'études publiées dans 6000 revues scientifiques entre 2002 et 2016. Ils ont comptabilisé les auteurs femmes. Ils ont bâti des modèles mathématiques en se basant sur les rythmes actuels d'augmentation des présences féminines parmi les chercheurs en sciences. Et ils déduisent que la parité dans l'astrophysique interviendra dans 131 ans. Seulement dans 60 ans pour ce qui concerne les mathématiques, mais la palme de la lenteur revient sans doute aux sciences informatiques où la parité, si on continue comme ça, ne sera atteinte que dans 280 ans. Et pour terminer, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, un point commun assez atypique et inattendu entre l'être humain et la mouche. En cas d'absence d'orgasme, eh bien, les deux espèces se retournent vers l'alcool. Tout à fait. Vous savez, cette mouche drosophile, elle nous ressemble. Eh bien, là, on le sait. Rappelez-vous, des chercheurs israéliens, il y a quelques années, nous avaient déjà expliqué que même ces petits êtres, eux aussi, éprouvaient du plaisir au moment de l'éjaculation. Eh bien, là, ils sont allés plus loin, cette fois-ci, dans une étude parue cette semaine dans Current Biology. Eh bien, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui intervient, qu'est-ce qui est le système de récompense au moment où la mouche a du plaisir quand elle éjacule. Pour ce faire, ces chercheurs ont utilisé la technique d'optogénétique pour stimuler spécifiquement à la demande les neurones connus pour être responsables de la libération du sperme et du liquide séminal chez la mouche. Ce sont les neurones à chorazonine. Ils ont modifié génétiquement des drosophiles mâles pour que ces neurones soient excités non pas par l'éjaculation, mais par une lumière rouge. Placés dans une petite boîte, ces drosophiles mâles génétiquement modifiés se tournent évidemment toujours volontiers vers cette lumière qui allume ces neurones pour ressentir du plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe chez ces mouches, au moment où elles sont exposées à la lumière, des changements moléculaires similaires à ceux qu'on observe dans un vrai accouplement. C'est-à-dire qu'on voit le taux de neuropeptide F, la molécule impliquée dans les phénomènes de récompense, qui augmente très vite. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces drosophiles modifiés dans cette boîte avec cette lumière, eh bien, ils sont satisfaits sexuellement par cette lumière rouge qui mime l'éjaculation. Et quand on les place devant une nourriture imbibée d'alcool, eh bien, ils s'en détournent, alors que leurs congénères non modifiés, donc moins satisfaits sexuellement, eh bien eux vont se jeter dessus. Conclusion des chercheurs, quand on est satisfait, on n'a plus besoin de boire. Ça s'applique sans doute à nous tous, mais en même temps, ce sont des conclusions peut-être un peu hâtives, je ne sais pas. Olivier Lascar est mortifié. Il est absolument mortifié. Je suis enthousiaste, au contraire. Des réactions à ce que vous venez d'entendre sur la notion de l'alcool ou pas. Peut-être un mot, Olivier, sur cette division dans la communauté astrophysique autour de l'installation du Deep Space Gateway pour aller plus loin que la Lune et pour aller notamment vraisemblablement sur Mars par la NASA. Ça vous paraît solide? Qu'est-ce qu'il faut en penser? En tout cas, on a l'impression qu'on va assister là dans les années qui viennent à un combat médiatique entre les réalistes et les rêveurs dans le domaine du spatial. Donc on parle de plus en plus du voyage vers Mars comme une réalité tangible. Musk parle de 2030, c'est un sujet qui énerve beaucoup Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, qui dans nombre d'interviews monte sur ses ergots en disant que c'est des scénarios de science-fiction et que si effectivement il croit lui aussi un scénario martien, il sera plutôt à l'horizon d'une centaine d'années, quoi. Par rapport aux bases lunaires, c'est vrai que l'argument de Richard Edman est assez séduisant. Si la Lune est intéressante, il faut aller dessus, c'est tout, quoi. Il y a un projet de ville lunaire, ouais, qui est défendu par l'ESA elle-même. Le nouveau patron allemand, Monsieur Werner, si je ne m'abuse, de l'ESA, avait dans ses cartons, au moment où il est arrivé à la présidence de cette institution, ce projet de ville lunaire. autour de laquelle il espère agréger nombre de bonnes volontés. Donc ce retour sur la Lune, il semble aussi de plus en plus plausible. Mais il y a beaucoup de, d'après les différents papiers qu'on a fait d'ailleurs dans Science et Avenir, il est tout à fait envisageable et envisagé depuis longtemps d'aller sur Mars sans passer par l'étape lunaire. D'autres sujets, Cécile, qui vous ont fait réagir dans le Journal des Sciences ? La parité, évidemment, ça c'est notre leitmotiv de cette émission. Notre combat. C'est vrai que ça paraît vraiment très très très très lointain. Et bon, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour pousser les jeunes filles à embrasser ces carrières scientifiques, mais il y a du boulot, il y a toujours du boulot. C'est pas juste une question de vocation, c'est aussi une question de signature et de premier signataire sur les articles. Bien sûr, mais ça se retrouve, je pense, dans d'autres domaines de la société, dans les entreprises, au conseil d'administration des entreprises, dans l'administration. Voilà. Et sur l'hypertension artérielle, peut-être J'avais déjà lu ce genre de chiffres il y a quelques mois pour une enquête que nous avions faite pour la science, et je suis très très très étonnée par ce déficit de diagnostic, parce que juste personnellement, je vais pas très très souvent chez le médecin, vraiment pas, mais quand même quand je vais chez le médecin, la plupart du temps on prend l'attention, donc je n'arrive pas à comprendre d'où vient ce déficit de diagnostic. Alors ce que disait Valérie Ollier, c'est qu'il y a deux choses intéressantes et qu'il faut creuser, c'est que sur un tiers des gens, des hypertendus qui entre guillemets s'ignoraient, il y avait un tiers d'entre eux qui à la fois ne se disaient pas hypertendus, mais dont on avait pris l'attention et dont on leur avait dit qu'ils avaient une tension, qu'ils étaient hypertendus. Donc la question c'est, est-ce qu'on leur dit suffisamment et est-ce que c'est suffisamment explicité qu'il va falloir se traiter ou pas. Et la deuxième question, qui est plutôt celle liée aux femmes et ces chiffres assez étonnants sur ces femmes qui se soignent moins qu'auparavant, il va falloir peut-être faire une étude de population pour comprendre qui sont ces femmes, ces nouvelles hypertendues qui ne se soignent pas, sachant qu'on sait que notamment c'est sur la sédentarité, sur le tabagisme, cause parmi les facteurs qui contribuent à l'hypertension, que ça a le plus progressé chez les femmes. Donc qui sont ces femmes et pourquoi est-ce qu'elles se soignent moins ? Un mot, Léo, sur le Journal des Sciences ou sur... Sur l'orgasme des mouches, évidemment. Sur l'orgasme des mouches, évidemment. En fait, c'est des sujets un peu persistants chez vous. Qui reviennent. Mais en fait, ça me pose des questions. J'aimerais savoir, est-ce que c'est plutôt les mâles mouches qui se réfugient vers l'alcool ou plutôt les femelles ? Est-ce qu'il y a une question d'âge chez les mouches ? Alors là, en l'occurrence, c'était uniquement des études sur les drosophiles mâles. Donc la différence, elle était entre ceux qui étaient génétiquement modifiés pour ressentir, disons, les bienfaits de l'éjaculation avec une seule lumière, et donc la ressentir plusieurs fois. Sur les femelles, il y a certainement des choses à faire, je suis d'accord avec vous. Le problème de parité dans les études sur les mouches toujours, aussi. Très bien, non, c'est vrai que ça pose tout un tas de questions sur est-ce que les mouches ont vraiment le même orgasme que le nôtre, et est-ce qu'elles utilisent vraiment l'alcool pour pallier quelque part une frustration, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut vraiment faire une métaphore directe vers nous ou pas, c'est vraiment très très très intéressant. Ouais. Et puis les toujours légers excès d'anthropomorphisme dans les études en entomologie dont on pourrait peut-être éventuellement dire un mot, mais bon, dans une autre émission. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Si vous avez l'âge d'avoir connu la série L'Homme de l'Atlantide, restez à l'écoute, puisque ce ne sont pas vraiment des personnes aux doigts et aux pieds palmés en petits maillots orange qui ont intéressé une équipe de scientifiques internationales. Léo est trop jeune pour avoir connu L'Homme de l'Atlantide avec Patrick Duffy, mais bon, ça aussi c'est une autre histoire. Non, c'est une population indigène d'Indonésie, population qui a la particularité de plonger remarquablement bien, puisque les individus qui composent ce peuple peuvent retenir leur respiration jusqu'à 13 minutes d'affilée, Léo. Alors en fait, 13 minutes, ça a été, une observation qui a été relatée par un des locaux. Donc en fait, il est possible qu'il se soit un petit peu vanté en disant « Ouais, moi je peux tenir jusqu'à 13 minutes sans problème, facile. » En pratique, ils tiennent facilement 3 minutes et ils plongent à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 70 mètres, c'est le record, en apnée. Ce qui est très profond. Extrêmement profond. Et c'est des gens qui ont de toute façon, qui passent un temps incroyable en apnée, donc une anthropologue qui est allée sur place à mesurer leur activité, et en fait ils passent 60% de leur heure de travail en apnée. Donc ça représente 5 heures par jour en apnée, ce qui est énorme. Ils sont en fait au même niveau que certains mammifères marins, donc c'est voilà. Et ce qui a intéressé les chercheurs, là, c'est l'adaptation génétique que cette population a pour gérer cette apnée-là en question. Et en l'occurrence, donc, ils ont effectivement trouvé une composante génétique, c'est-à-dire un caractère héréditaire dans cette faculté à retenir sa respiration. Voilà, donc en fait, tout ça, ça se passe au niveau de la rate, donc il y a un organe que je connaissais assez mal avant de lire l'étude. Donc c'est l'organe qui recycle les globules rouges et qui a une sorte de stockage également. Et en fait, quand ces gens-là plongent, la rate va se compresser et va libérer dans le sang des hématies, donc des globules rouges qui sont chargés en oxygène. Donc en fait, ils vont avoir une sorte de petit boost en oxygène pendant la plongée. Et il se trouve que cette population indigène a une plus grosse rate que la nôtre, par exemple, ou celle de populations qui vivent juste à côté. Et donc en comparant la taille de la rate et en regardant, en fait, en faisant le scan du génome de cette population, ils ont montré qu'il y avait donc une plus grosse rate et que cette augmentation de la taille était due à certains allèles, donc des versions de gènes spéciales qui sont liés à ça. Et en fait, ils n'ont pas que ça, donc ils n'ont pas juste une adaptation génétique pour la taille de la rate, mais ils ont également une adaptation génétique pour la vasoconstriction. Donc en fait, ils vont avoir un mécanisme qui va se produire, c'est que le sang va se rediriger des extrémités vers le centre du corps, vers des zones qui sont plus sensibles à au manque d'oxygène, et ils vont pouvoir tenir plus longtemps sous l'eau grâce à toutes ces adaptations, en fait. Qui sont effectivement des phénomènes qu'on connaît très bien chez les apnéistes et chez les champions d'apnée, où d'un seul coup, ils arrivent effectivement à concentrer le sang dans le cerveau, dans le cœur, enfin, dans le minimum des fonctions vitales. Il y a en total 25 variants génétiques qui ont été détectés chez ces, voilà, dans cette population. Ils sont pas tous liés à l'apnée, et les auteurs, en fait, postulent que certains sont des adaptations à certaines maladies, etc. Donc on a tous, comme ça, toutes les populations du monde ont des petites adaptations à plein de choses. Et comme là, c'est ce qu'on appelle des SNP, donc c'est des petits polymorphismes, c'est des nucléotides qui changent, donc il peut y en avoir plein. Mais il se trouve que dans ces 25, il y en a un certain nombre, je ne saurais pas dire exactement combien, qui sont liés directement à l'apnée et à une meilleure plongée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, les gens naissent avec ces adaptations. Donc ce n'est pas parce qu'ils plongent beaucoup qu'ils ont ça, c'est parce qu'ils sont de cette population. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a une autre population de plongeurs qui est en Birmanie, un peuple qui s'appelle les Moken, qui eux aussi ont une adaptation effectivement d'un autre type. Ils développent la faculté de mieux voir sous l'eau, mais pour le coup, ce n'est pas un caractère héréditaire. Non, voilà, les Moken, en fait, eux, ils arrivent à diminuer la taille de leur pupille et à déformer leur cristallin pour pouvoir voir clairement sous l'eau, comme si on avait des lunettes, un masque. Mais ça, c'est les enfants qui apprennent à le faire très tôt. Et en fait, une chercheuse qui a travaillé sur les Moken a montré que tout le monde pouvait le faire. Donc si vous voulez apprendre à vos enfants à regarder sous l'eau sans masque, eh ben, c'est possible, n'importe qui peut le faire. Il faut juste commencer tôt, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux cas, il y a un cas où on peut parler en fait, de pression sélective, ouais. Et pas dans l'autre. Quelle est la différence entre ces deux caractères? Vraiment, dans le cas de voir sous l'eau, c'est de la plasticité. Donc c'est en fait, vous apprenez à faire quelque chose, comme vous pourriez apprendre à faire du violon. C'est pas parce que votre père était violoniste que vous serez meilleur au violon, mais c'est parce que vous avez eu des cours quand vous étiez petit. Et l'autre, c'est héréditaire, donc c'est les parents qui le transmettent aux enfants, et vous naissez avec un avantage. Voilà. Vous commencez avec un bon de départ. Et donc là, en l'occurrence, c'est de génération en génération. Donc les Bajau, ils ont ce fameux peuple d'Indonésie qui est fort en apnée. Ça fait plus de 1000 ans que les gens font ce mode de vie. Donc il y a vraiment eu une pression de sélection qui a modifié l'ADN de génération en génération, et il se trouve qu'aujourd'hui, les gens sont adaptés. Ce qui donne la réponse à savoir si on peut observer encore les théories darwiniennes et la théorie de l'évolution à l'œuvre. Le fait est qu'on peut les observer à l'échelle humaine, en l'occurrence. Ah oui, complètement. Et les Bajau sont un exemple parmi tant d'autres d'évolution humaine. Aujourd'hui, c'est un domaine de l'évolution qui est très très actif, et on trouve de nouveaux exemples assez régulièrement. Donc, par exemple, il y a l'adaptation à l'altitude qu'on retrouve dans de nombreuses populations, sur les plateaux du Tibet, dans le Caucase, dans les Andes, voilà. En Éthiopie, et il y a des adaptations à la nourriture, donc le fait que les Européens du Nord puissent digérer le lait, c'est une exception, parce qu'en Asie, ça se fait pas trop. Il y a des adaptations à la nourriture de céréales, en fait. Les peuples agriculteurs ont plus d'amylase salivaire, donc ils découpent mieux l'amidon. Les gens qui ont commencé à cultiver du riz très tôt à la place du blé. Voilà aussi, c'est ça, ouais. Donc il y a tout un tas d'adaptations, en fait, comme ça, dans l'humanité, et ça prouve que nous, comme n'importe quelle autre espèce du monde vivant, on évolue en fonction de notre environnement. Alors après, ce qui est intéressant avec les Bajau, c'est qu'ils ont évolué en fonction de leur propre culture, parce qu'ils ont évolué, finalement, avec leur méthode de récupération de nourriture. Donc ça veut dire que Certes, notre environnement nous modifie, mais c'est aussi notre culture qui nous modifie au fond de nos gènes. Ça, je trouve ça assez chouette. Ça, c'est assez intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein, de voies, en fait, d'adaptation, de mutations génétiques. Par exemple, vous mentionniez tout à l'heure les populations d'altitude. On voit que l'évolution a retrouvé plusieurs fois le même chemin pour s'adapter à ces conditions. En l'occurrence, au Tibet, je crois qu'il y a une question d'hybridation avec l'homme de Denisova. Voilà. Ils ont pas exactement, alors c'est pas le même endroit qui a, c'est pas la même trajectoire qui a amené à ce résultat que, par exemple, dans les populations des Andes. Au Tibet, c'est les ancêtres des Tibétains qui ont rencontré les hommes de Denisova, donc qui était une autre population d'une autre espèce du genre Homo. Et il se trouve que lors de l'hybridation, il y a eu une transmission d'une version de gène, donc EPAS1, qui, en fait, aide largement à gérer les bas niveaux d'oxygène. Donc, en fait, il y a eu d'abord l'hybridation avec une autre espèce du genre Homo. Et puis, il y a eu de la sélection pour conserver cet allèle-là avantageux qui s'est répandu dans toute la population. Ce qui est le cas aussi chez tous les Européens ou Asiatiques qui ont un pourcentage de leur ADN qui vient de l'hybridation avec Néandertal. Voilà, 2 à 3% si vous êtes Européen, vous avez 2 à 3% de votre ADN qui vient d'une autre espèce du genre Homo. Ce qui est intéressant aussi avec les bajots, c'est que, en fait, ces types de pression sélective sur des populations très ciblées, on en voit de moins en moins simplement parce que il y a de plus en plus de mixité, donc ces occurrences particulières, elles se passent dans des sociétés qui sont en général effectivement des sociétés relativement fermées. Je pense qu'elles sont plus faciles à voir en effet, parce que effectivement il n'y a pas trop de dilution, on reste sur vraiment de l'adaptation très locale. Je pense qu'on pourrait être surpris dans le futur de l'humanité, parce que même s'il y a beaucoup de la mixité, etc., finalement il y en a pas tant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de transferts de gens de pays, mais est-ce que les transferts de gènes suivent? Est-ce que les gens font tant que ça d'enfants avec les gens des autres pays? Je ne suis pas sûr que ça représente une force évolutive pour l'instant. Clairement, ça l'a représenté dans le passé. Par exemple, si on regarde l'Amérique du Sud, c'est une population généralement très très mixte, parce qu'il y a eu des viols, etc., et qui ont forcé finalement cette mixité, ce qui fait qu'aujourd'hui... Ça s'appelle la colonisation. Voilà, la colonisation. Il n'y a pas eu que des viols, il y a eu la colonisation, ça ne se passe pas toujours comme ça, parfois, mais pas toujours. Des fois. Donc en tout cas, voilà, donc là, c'est clairement, il y a eu un mélange de gènes qui a été très intense pendant un très court moment. Donc là, ça a clairement modifié le destin génétique de ces populations. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on attende un petit peu pour avoir des informations sur quel est l'impact aujourd'hui de tous ces voyages et tout ça sur l'évolution humaine au sens large. Cécile, j'avais une question, je voulais savoir justement dans cette population d'Indonésie si les femmes comme les hommes plongeaient en apnée et donc si on retrouvait les mêmes adaptations dans les deux sexes. Alors, je ne sais absolument pas si les femmes comme les hommes plongent autant que s'ils plongent pareil. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous l'adaptation puisque par le jeu de l'hérédité génétique, les gens, qu'on soit homme ou femme, on porte les chromosomes parce que ce n'est pas sur les chromosomes sexuels. Donc, ouais. Olivier ? Alors moi je me souvenais pas que Patrick Dufy avait un slip orange dans L'Homme de l'Atlantique, mais ce que je trouve, alors c'est passionnant. Mais l'Atlantide, confondez pas avec Marguerite Duras. C'est passionnant de pouvoir observer effectivement la sélection darwinienne sur des échelles courtes. J'ai l'impression que ce qui est caractéristique un petit peu de notre époque, c'est que ces temps de modification se sont raccourcis. C'est-à-dire qu'on constate maintenant sur des périodes beaucoup plus courtes des évolutions de différentes espèces pour s'adapter à des changements extérieurs, à des changements climatiques ou à des pratiques humaines. À la pression de sélection que fait peser très lourdement la modification anthropique de l'environnement. Et ça peut passer par des pratiques qui sont d'apparence anodines, puisque par exemple on avait fait un papier il y a quelque temps sur les mésanges aux Britanniques, dont le bec se raccourcit, je crois, parce que elles sont en contact de populations qui a tendance à les nourrir avec des petites graines, quoi. Mmh. Et sur un temps très restreint, on a constaté une modification de la longueur du bec de ces animaux. Alors ça, on l'observe aussi chez les humains. Donc aujourd'hui, avec le big data et tout ça, on a beaucoup de données médicales et en plus, on peut maintenant les croiser avec des données génétiques. Et donc il y a plusieurs pôles de recherche, mais notamment un aux États-Unis qui commence à relier l'évolution de certains gènes actuels à des niveaux basaux de cholestérol plus bas, par exemple. Donc les gens naissent avec une sorte d'adaptation à la bouffe grasse. Et ils sont adaptés à un environnement extrêmement américain, on va dire, et donc ils naissent avec une sorte d'avantage. Voilà. Donc ils sont en train d'observer ça sur plusieurs traits. Et je pense que dans le futur, comme c'est un domaine qui explose, et les données génétiques, elles commencent à partir partout, là, donc je pense qu'on va observer de plus en plus de petites adaptations comme ça qui arrivent. La question que ça pose, c'est que ces adaptations-là, normalement, dans les procédés de sélection naturelle, elles se retrouvent de plus en plus fréquemment parce que ça donne des avantages reproductifs à la descendance. Or, là, est-ce que ce type d'avantage-là, il est moins sélectionné naturellement par la population compte tenu des nouveaux modes de vie, de rencontres? Alors, je pense que, en fait, la sélection, elle peut se jouer sur une différence de mortalité. Donc, si on meurt moins que les autres, on s'en sort mieux. Mais ça peut aussi être sur une différence de reproduction. Et tout simplement, je pense que, par exemple, une adaptation au cholestérol, ça fait que, on peut être en meilleure forme et tout simplement avoir plus d'enfants que si on meurt à 40 ans parce qu'on est mort d'un arrêt cardiaque. Il y a d'autres types d'évolutions humaines en cours qui sont répertoriées. On parle souvent, par exemple, de la disparition des dents de sagesse qui ne servent plus à rien, de l'atrophie de certains doigts de pied, de la taille qui augmente ou, pareil, sur la taille, on se demande aussi quel peut être l'avantage évolutif d'avoir une taille plus élevée, à part enrichir les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Alors, pour l'instant, il y a, comme je disais, ces études qui sont faites dans des labos de santé, quoi. Donc, c'est des grosses études américaines. Donc, c'est plus axé santé, donc cholestérol, etc., les niveaux de tension artérielle, etc. Et il y a une petite étude qui a été faite au Québec, là, c'était en 2011 qu'elle est sortie, et qui a montré de l'évolution récente sur une petite île qui s'appelle l'île aux coudres. Et là, en fait, ils ont montré quelque chose qu'on retrouve ailleurs, d'ailleurs, dans le monde, c'est que l'âge pour la première reproduction, donc l'âge auquel les filles ont leur premier enfant, il est de plus en plus tôt. Et ça, il y a une base génétique à ça. C'est pas juste du comportement. C'est-à-dire qu'il y a une base... Oui, Cécile, il y a une base génétique au début de la puberté. Ouais, exactement. Oui, en tout cas, en Europe aussi, on observe comme ça une diminution, effectivement, enfin, un rajeunissement de la puberté des filles pubères. Mais est-ce que pour autant, elles font des enfants plus jeunes? Parce que, en tout cas, je lisais des chiffres sur la France seulement, mais on est quand même passé aujourd'hui à l'âge moyen du premier enfant, c'est 30 ans, et on prévoit 32 ans dans les années qui viennent. Donc, à quoi ça sert d'être pubère à 10 ans si on fait des enfants à 32 ans? Mais c'est ça qui est hyper intéressant, finalement. C'est que, donc, en tout cas, au Québec, ils ont montré, là, c'était sur la période de jusqu'en 1950, hein, ça s'arrête en 1950, et donc ils montraient que les filles avaient des enfants de plus en plus tôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance de la société, elle va dans le sens inverse de l'évolution, donc des fois, il peut y avoir comme ça des trucs qui sont cachés, parce qu'en fait, il y a tout un processus culturel qui masque une évolution sous-jacente. Ça, c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'on a un modèle super intéressant d'évolution, parce qu'on est compliqué, on est vraiment très compliqué. Et vous allez voir, ça va pas s'arranger. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Yeah. Evolution de Magnum, pas la série des années 80, puisqu'on parlait de l'homme de l'Atlantide tout à l'heure, mais le groupe de musique, et nous allons maintenant continuer notre tour de table de l'actualité des sciences et de la recherche en compagnie des camarades Cécile Lestienne, Olivier Lascar et Léo Grasset pour parler de l'un des phénomènes physiologiques peut-être les plus étranges, Cécile, l'invasion d'un corps par un organisme étranger, génétiquement distinct, qui non seulement s'implante à l'intérieur du corps hôte, mais qui en plus détourne certaines fonctions vitales comme l'apport de nutriments, la circulation sanguine, l'évacuation des toxines, avec, qui plus est, le soutien et même l'assistance du corps hôte, et ce, à travers une barrière physique appelée le placenta. Exactement. Et quand on regarde le phénomène, c'est effectivement physiologiquement extrêmement curieux, et d'ailleurs, tout n'est pas encore tout à fait bien compris, loin s'en faut. Loin de là. Ouais. Et pourtant, c'est un organe extrêmement important, hein, évidemment, sans placenta, plat de bébé. Donc voilà, mais c'est un organe qu'on connaît encore très mal. On connaît quand même de plus en plus de choses sur comment il s'implante et il fonctionne. En revanche, on ne sait pas effectivement pourquoi il permet comme ça cette tolérance du bébé. Alors le placenta, c'est un organe produit par l'embryon. Hein. Ce n'est pas un organe pas produit mère. Par la mère. C'est même le premier organe produit par l'embryon. Absolument. Et donc, tout début, en fait, effectivement, juste après la fécondation, il y a des cellules spécialisées qu'on appelle les trophoblastes qui déjà émettent des hormones qui préparent, qui signalent à l'utérus qu'il faut se préparer à une implantation. Donc, ça commence déjà très tôt. Et puis, c'est un organe qui ensuite va se développer pour finir par faire quand même son poids, ça fait à peu près 500 grammes un placenta, ce qui est pas mal pour un bébé d'environ 3 kilos. Hein. Donc, voilà. Et il se développe très très très très vite parce qu'il est absolument indispensable au bébé, puisque c'est à travers lui que la mère peut lui apporter nutriments et oxygène, et aussi à travers lui que l'embryon puis le fœtus peut rejeter dioxyde de carbone et les autres déchets, toutes les toxines qu'il peut produire. C'est-à-dire que si ça n'était pas un bébé, on appelle ça un parasite. Absolument. C'est une action parasitaire sur le il y a un corps hôte. Et... Le bébé est un parasite, pas uniquement le placenta, le bébé lui-même voilà, est un parasite, ça. Je rappelle, puisqu'il est génétiquement étranger à sa mère et on comprend toujours pas très bien comment il se trouve que la mère supporte ainsi un corps étranger qui peut être très étranger, parce que un bébé dans des conditions normales est à moitié étranger génétiquement à sa mère, mais on sait aujourd'hui grâce aux FIV, parfois avec dons d'ovocytes. Et pourtant, ça peut fonctionner, que l'enfant peut être totalement étranger génétiquement à sa mère, et pourtant, il peut s'implanter, grandir et naître. C'est ça. Grâce au placenta. Ça n'a pas infirmé le fait que on se disait effectivement, il y a la moitié du patrimoine génétique qui est commun, donc c'est pas tout à fait du non-soi, ce serait du mi-non-soi. En fait, pas du tout. Ça marche, c'est totalement reconnu comme du non-soi par le corps. Et c'est même l'inverse. On s'aperçoit parfois que quand, notamment, les systèmes HLA de la mère et de l'enfant sont trop proches, il y a souvent un problème. Quand les systèmes immunitaires sont très proches, mais on en reparlera dans un instant. Peut-être un mot, que sait-on aujourd'hui, puisque donc pour la science consacre un gros dossier à cette question, que sait-on de la permissivité du système immunitaire de la mère et de la paroi utérine? Parce que ce n'est pas juste qu'il laisse le placenta s'implanter dans la paroi utérine, c'est qu'il l'assiste, le corps de la mère assiste les cytotrophoblastes dans l'implantation dans le corps de la mère. Juste sur le développement, justement pour comprendre, en fait, ce qui se passe, c'est très complexe comme organe le placenta. D'ailleurs, je propose aux lecteurs de lire pour la science qui sort mercredi prochain seulement, pour voir tous les schémas qu'on a fait autour de ça. C'est plus facile avec les schémas. On va mettre quelques images sur la page Twitter de l'émission. Mais effectivement, le placenta s'incruste complètement dans l'utérus et dans les vaisseaux sanguins de la mère. En fait, certaines les cellules du placenta traversent et s'implantent complètement dans les artères utérines au point de remplacer les cellules qui tapissent l'intérieur des artères et les remplacent comme un gant qui rentrerait dans un tuyau. Voilà, ça prend la place. Du coup, ça oblige ces artères à s'élargir, elles perdent leur tonus et ça permet au sang d'arriver en bien plus grande quantité dans le placenta et donc pour nourrir le bébé. Alors, comment se fait-il que fait le système immunitaire, Cécile? Que fait le système immunitaire? Alors, on sait pas beaucoup de choses, mais on en sait déjà quelques-unes. C'est qu'il y a notamment des cellules du système immunitaire qu'on appelle les cellules tueuses, normalement, les cellules NK, naturellement tueuses, et qui sont un peu particulières quand elles sont dans l'utérus et qui, au lieu de détruire ce corps étranger, parce que les autres cellules tueuses du même genre, notamment, s'attaquent aux tumeurs, au corps étranger. Quand vous avez une greffe, par exemple, c'est ce type de cellules qui s'attaquent au greffon. Il se trouve que là, au contraire, celles de l'utérus, on a montré qu'elles favorisaient, au contraire, justement, cette implantation des cellules trophoblastiques dont je parlais tout à l'heure, à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et c'est propre à l'utérus ou est-ce que toutes ces cellules LK du corps de la mère sont configurées de la même façon? Est-ce qu'il y a une particularité? Non, il semble que ça soit les cellules qui sont justement dans le tissu utérin, qui s'amoncèlent à cet endroit-là et qui aident le placenta à s'implanter. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, Cécile, c'est vrai que quand ce système défaille, eh bien, des études récentes ont été effectuées sur la pré-éclampsie et c'est certainement à cause de la trop grande proximité immunologique justement entre la mère et le fœtus. En tout cas, dans certains cas. La pré-éclampsie, il faut peut-être expliquer ce que c'est. Je vous laisse le soin de le faire. C'est une pathologie qui malheureusement n'est pas si rare que ça et qui provoque de l'hypertension chez la mère. Et c'est très dangereux, hein, il faut absolument intervenir, sinon la mère peut mourir, le bébé aussi. Voilà. Et parfois d'ailleurs on perd le bébé parce que c'est un des cas où il faut absolument déclencher l'accouchement si on ne veut pas perdre la mère. Oui. Et voilà. Et il semblerait effectivement que ça puisse dans certains cas être lié à cette trop grande proximité entre... les systèmes HLA, donc le système du système immunitaire. Il semblerait aussi que parfois ça soit lié justement au fait que ces mêmes cellules qui infiltrent comme ça les vaisseaux sanguins de la mère ne soient pas allées suffisamment loin. Et du coup, il n'y a pas assez de sang, c'est un peu compliqué. Le bébé n'est pas assez bien nourri ni assez bien oxygéné. Du coup, le placenta grossit démesurément, puis finit par produire des toxines qui enclenchent la maladie. On a longtemps cru que ces toxines étaient la cause de la pré-éclampsie, et en fait, ça serait la conséquence. Il y a d'autres éléments assez intéressants, notamment sur la façon dont le placenta laisse ou non passer certains corps, soit des corps totalement étrangers, comme des virus. Certains sont retenus, comme ceux de la dengue, de la fièvre jaune. D'autres passent, comme le virus Zika, dont on a parlé récemment suite à l'épidémie au Brésil. Et puis, c'est le cas aussi de d'autres cellules comme l'interleukine de la mère qui peut ensuite atteindre le cerveau du bébé en cas de grippe, par exemple. Effectivement, le placenta fait une barrière assez forte entre les virus et le bébé. En même temps, on est dans une situation un peu paradoxale, hein, parce que le système immunitaire de la mère est un peu déprimé pendant la grossesse. Sinon, elle n'arriverait probablement pas à tolérer ce corps étranger pendant 9 mois. Donc du coup, l'intérêt d'étudier pourquoi certains virus parviennent à passer cette barrière placentaire et à affecter le bébé est très intéressante pour les chercheurs. Alors, on est très très loin d'avoir tout compris, mais alors vraiment très très loin. Mais on regarde parce que c'est un vrai problème. Alors, parce qu'il y a le virus Zika dont on a beaucoup parlé, mais plus près de nous, il y a le cytomégalovirus qui est un cousin de virus de l'herpès qui concerne vraiment beaucoup d'enfants, la rubéole. Alors, la rubéole, on en parle moins chez nous parce que le taux de vaccination pour l'instant est assez fort. Mais je rappelle qu'avoir la rubéole en début de grossesse, ça provoque des surdités, des cécités, des malformations cardiaques chez les enfants, comme le cytomégalovirus d'ailleurs. Et donc, il faut absolument s'en protéger et c'est ce qu'on cherche à comprendre pour aussi comprendre comment marche le placenta. Olivier Lascar. De façon accessoire, hein, par rapport à ce dossier passionnant, Cécile, mais qui illustre néanmoins le côté mystérieux qu'a le placenta, c'est cette mode bizarroïde qui a émergé aux États-Unis il y a quelques années où on a vu des gens se mettre à manger leur placenta. Et ça a pris des proportions telles que le CDC américain, qui est en gros l'équivalent du le Center for Disease Control, le centre de contrôle des maladies, comme ministère de la santé, quoi. Enfin, c'est une agence gouvernementale, c'est pas le ministère. En tout cas, a fait une communication officielle pour prévenir que ça pouvait être vecteur de graves maladies, notamment suite à un cas très particulier où une maman avait récupéré le placenta, l'avait fait compartimenter dans des capsules particulières qu'elle avait consommées, et elle était tombée malade. Ce sont des choses qui existent, cher Nicolas Martin. Je ne dis pas l'inverse. Je pense que cette mode est née du fait que, effectivement, chez les mammifères, les mères mangent le placenta après la naissance pour récupérer, parce que c'est plein de nutriments, c'est plein de globules rouges, c'est plein de... Donc voilà. Est-ce que nous, on est obligés de le faire, surtout au XXIe siècle dans nos pays? Je suis moins certaine. C'est officiellement interdit en France de récupérer son placenta. Léo Grasset en doute. Non, moi je le ferai pas. Ou alors, faut bien le cuire, quoi. Mais peut-être. Mais moi, par contre, je suis assez intéressé sur cette histoire de rôle avec l'immunité et tout ça, parce que il me semble que l'origine du placenta, l'origine évolutive chez les mammifères, c'est un virus qui l'a amené, qui a mis un bout de son ADN à lui dans le génome des mammifères. Alors du coup, c'est rigolo parce qu'on a un virus qui a amené un truc qui permet de se défendre contre un autre parasite. Mais c'est vraiment une sorte de danse très compliquée au niveau évolutif. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'évolution, c'est très complexe. C'est pour ça que c'est intéressant à regarder. Toutes les études sur le placenta aussi, et justement cette infection par les virus ou par d'autres problèmes, sont intéressantes parce qu'on s'est aussi aperçu, on semble qu'il y a un effet entre parfois dysfonctionnement du placenta et des maladies qui arrivent seulement à l'âge adulte. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est pas uniquement des enfants qui arrivent mal formés ou qui ont des problèmes. Mais on a fait un lien avec le diabète, avec certaines maladies cardiovasculaires, y compris avec l'autisme. L'autisme, ça démarre beaucoup plus tôt, mais d'autres pathologies comme la dépression et la bipolarité. Donc, le lien n'est pas encore prouvé, ce n'est peut-être qu'une corrélation, mais il se pourrait que un dysfonctionnement du placenta amène une mauvaise un développement un peu altéré de l'enfant, parfois très subtil et qui se transforme en pathologie à l'âge adulte. Et une dernière chose pour conclure cette île, j'ai appris en lisant ce dossier que le mécanisme déclencheur de l'accouchement est toujours inconnu. Absolument. Au bout de 280 jours, normalement, chez l'être humain, voilà, l'accouchement se déclenche et on ne sait pas. On sait observer ce qui se passe. Une réaction inflammatoire, le thyrus se contracte et ça expulse le bébé. Mais où est l'horloge qui déclenche toute cette cascade physiologique? On ne sait pas. Est-ce que c'est dans le placenta, dans le fœtus, dans l'utérus? On ne sait pas encore. Eh bien, l'horloge nous dit qu'il est déjà 16h46. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et le dernier sujet, cette semaine nous emmène sonder les entrailles, non plus d'une mer, mais d'une planète. Que se cache-t-il au centre de Mars? C'est à cette question que la mission InSight veut tenter d'apporter une réponse, et notamment comprendre si le noyau de la planète rouge est un noyau solide ou un noyau liquide, ce qui changerait énormément de choses. Et cette mission InSight doit décoller dans quelques jours, Olivier. Oui, dans un peu plus d'une semaine maintenant, hein, puisque la date de décollage, ça sera le 5 mai. La fenêtre de tir commence à 4h du matin. Et depuis un site californien, une fusée Atlas va transporter une charge de 350 kilos, qui au bout de 7 mois va arriver sur Mars. Alors là, pour le coup, on sait précisément que ce sera le 26 novembre 2018. Mmh. Et l'atterrisseur va se poser sur la planète rouge, on l'espère, sans encombre, pour y déposer ce qui est le cœur de cette mission, un sismomètre qui s'appelle SEIS et qui, cocorico, a été construit par le CNES. Des Français, notamment des Français. Et en tout cas, c'est la première fois que la NASA va chercher des équipes françaises pour faire ce qui est le nœud de leur mission. Et c'est d'autant plus cocorico que, pour le moment, seule la NASA a réussi à poser des objets sur Mars et que toutes les autres tentatives d'autres agences spatiales ont échoué. Oui, et parmi ces échecs, il y en a qui sont liés à l'usage déjà de sismomètres. Parce que si ça fait des dizaines d'années qu'on mène des expéditions, des missions d'exploration vers la planète Mars, on s'est beaucoup intéressé à des questions sur le surgissement ou non de la vie sur cet astre voisin du nôtre. Mais des questions de géophysique et de dynamique de la planète elle-même, on n'en a jamais fait jusqu'à présent. On a essayé de le faire. Les atterrisseurs Viking 1 et 2 portaient en leur sein des sismomètres. Il y en 76, ça remonte un peu. Oui, il y en a un qui a pas marché du tout, il y en a l'autre qui a donné des données très peu intéressantes. Donc si CIS fonctionne, et on l'espère vu l'investissement qui a été mis dedans, parce que ça coûte quand même 50 millions d'euros, c'est la mission, le développement oui, de CICE. De CICE, hein, pas... parce que la mission totale, on est quasiment à 1 milliard de dollars. Hein. Voilà, 675 plus 153, ouais, je vais faire le calcul. Ouais, je crois que CICE est à 10%, quoi, 10% d'accord, du coût total de la mission. Et tout ça pour faire quoi? Donc, comme vous le disiez, Nicolas, c'est pour faire une sorte d'échographie de la planète Mars. C'est finalement pour faire, en ce début du 21e siècle, ce qui a été fait au début du 20e pour la planète Terre, pour la nôtre. C'est-à-dire observer via les séismes naturels ou non qui existent sur la planète Mars, ou non, parce qu'il y a aussi les bombardements de météorites, voir comment les ondes se propagent à l'intérieur de la planète et en déduire la composition de cette planète. Aujourd'hui, on subodore que la planète Mars, grosso modo, elle a les trois types d'éléments qu'on trouve sur la Terre. C'est-à-dire un noyau, un manteau et une croûte. Un noyau liquide, c'est important. Un noyau liquide. On pense qu'il est liquide, mais ça fait partie des questions. Parce que le noyau sur la Terre, pour le coup, il est liquide et c'est lui qui est à l'origine du champ magnétique terrestre. Qui, sur Mars, a disparu. Il n'y en a plus. Bon. Et on pense... disparu totalement sur Mars, le champ magnétique? Il n'en reste pas un petit? Il me semblait qu'il en restait un petit. On sait qu'il y en a eu un à une époque dans les âges très tôt de la planète Mars, puisque on a retrouvé des signes d'orientation des métaux ferreux à la surface de Mars. Donc on sait qu'il y a eu un champ magnétique. Mais aujourd'hui... On pense qu'il a disparu. Et c'est la disparition de ce champ magnétique qui pourrait avoir mis à nu l'atmosphère martienne et avoir permis qu'elle soit dégradée par les rayonnements solaires et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'atmosphère sur Mars. Comment est-ce qu'on fait pour étudier la sismologie martienne, étant entendu qu'il n'y a a priori sur Mars pas de tectonique des plaques, contrairement à la Terre? Alors effectivement, on pense qu'il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars, mais il y a une faible activité sismique. On pense qu'elle est 1000 fois inférieure à ce qu'elle est sur Terre. La planète Mars bouge quand même. Il y a notamment un phénomène de marée gravitationnelle qui est provoqué par l'orbite de Mars autour du Soleil, qui fait que, pour exagérer, la planète Mars est comme une grosse boule de pâte à modeler qui à certains moments est étirée, à d'autres moments est contractée. Donc ces jeux de dans la matière même de la planète fait qu'elle bouge. Comme l'est la Terre d'ailleurs, et comme toutes les planètes telluriques. Toutes les planètes. Et gazeuses d'ailleurs. Et donc, il y a quand même des mouvements à l'intérieur de la planète Mars. Je mentionnais tout à l'heure les météorites. Il y a aussi les scientifiques de l'IPGP, de l'Institut de physique du globe de Paris, et Philippe Lognonnet, parmi eux, qui dirige la mission, estiment qu'il y aura à peu près cinq bombardements de météorites dans une année martienne qui seront suffisamment forts pour générer ces ondes qui vont être des ondes de surface. Alors les ondes de surface dans un séisme terrestre sont celles qui sont les plus destructrices parce qu'elles se baladent à la surface de la Terre, elles vont détruire les bâtiments, etc. Là, dans un cas de séisme martien, ça sera pareil. Il y aura ces ondes, ces fameuses ondes de surface, mais il y aura aussi des ondes dites de volume qui sont des ondes qui vont voyager à l'intérieur de la planète Mars. Or, la vitesse de ces ondes, leur direction, mais aussi leur amplitude, elle est fonction du milieu dans lequel elle se propage. Donc, en cas d'interruption dans les matériaux qui composent la planète elle-même, en cas de zone de frontière entre une éventuelle croûte, un éventuel manteau, etc., différentes sous-couches à l'intérieur du manteau, eh ben, ces ondes se voyageront différemment et l'observation de ces différences permettra de décrire, finalement, une sorte de mouvement arrière, la composition martienne. Alors, ce sismographe, il va falloir le protéger un peu. Néanmoins, c'est un sismographe très protégé. Justement, il va falloir mettre une cloche autour pour qu'il soit pas trop perturbé. Il est extraordinairement précis puisqu'il arrive à déterminer des vibrations, des variations de structure qui sont de l'ordre du 250 millième de milliardième de mètre. Donc, si j'ai bien révisé, c'est inférieur au diamètre de l'atome d'hydrogène. Or, quand on est à ce niveau de précision, les vents, les variations dans la pression atmosphérique, le balai des poussières qui peuvent aller et venir autour du capteur, et bien évidemment, ça peut créer un bruit, comme on dit, des variations dans l'enregistrement des données qui pourraient être dramatiques. Donc il a fallu construire tout autour de l'électronique qui constitue les capteurs sismiques, il a fallu construire une sorte de bouclier qui permette de maintenir presque sous vide le sismomètre et le tenir préservé de toutes ces variations extérieures. Pas totalement quand même, parce qu'on sait qu'en termes de variation de température à l'intérieur du sismomètre, ça va varier d'une vingtaine de degrés en été, d'une dizaine de degrés en hiver, mais c'est déjà extraordinaire par rapport aux variations de la température martienne à la surface, oui, bien sûr. Oui, qui peuvent être d'une centaine de degrés. Un mot également, une autre nouveauté intéressante de cette mission, c'est des petits CubeSats, des satellites cubiques qui vont être envoyés précisément pour monitorer cette mission InSight. Oui, il ne faudrait pas réduire simplement entre guillemets la mission InSight à CEIS, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont un petit peu novatrices, comme celle que vous citez, Nicolas. Il y a aussi l'utilisation d'une sonde qui va creuser sur 5 mètres de profondeur la croûte martienne pour aller pénétrer à l'intérieur et mesurer les variations de température et la remontée de chaleur depuis les entrailles de la planète. Puisque ces variations de chaleur, on les constate par exemple sur Terre, parce qu'il y a une sorte de phénomène de convection. Vous savez, c'est comme classiquement l'image de l'eau dans une casserole qui est en train de bouillir avec ses mouvements de tourbillon. Sur Terre, il y a ces mouvements de tourbillon qui viennent de la dégradation naturelle d'éléments radioactifs comme le thorium et l'uranium. Est-ce qu'il y a la même chose sur Mars? On pourra le constater ou le vérifier avec l'observation de cette variation de chaleur. Et donc, si on veut savoir tout ça, eh bien donc rendez-vous à l'arrivée sur Mars le 26 novembre, c'est ça ? 26 novembre. On peut noter sur son agenda. On peut le noter sur son agenda, tout à fait. Allez, on fait un dernier petit tour de table pour savoir s'il y a d'autres informations dont nous n'avions pas parlé et que vous voudriez indiquer ou pointer aux auditeurs, Cécile. Je vais vous laisser choisir, Nicolas. Éducation ou tyrannosaure ? Moi, toujours tyrannosaure, oui. Évidemment, voyons. Donc, je suppose que vous attendez avec impatience la sortie du énième opus de Jurassic World, le 6 juin prochain. Vous ne pouvez pas imaginer mon petit cœur tressaille. Et je vous conseille, par ailleurs, d'aller voir au muséum, au même moment, l'exposition Tyrannosaure qui va ouvrir à ce moment-là, qui va accueillir Trix. Trix est une vieille madame tyrannosaure, vieille pas parce que ce fossile date juste avant la disparition des dinosaures, mais parce qu'on pense qu'elle a atteint une trentaine d'années, ce qui paraît assez vieux pour ce genre de reptile. Et vous saurez pourquoi. D'abord, comment sait-on que c'est une madame tyrannosaure? Est-ce qu'elle a vraiment 30 ans? Pourquoi elle a des tout petits bras? À quelle vitesse elle courait? À quoi lui servait cette énorme tête qui faisait à peu près 1m50 alors qu'elle faisait à peu près 12 mètres de long sur 5 mètres de haut? Et voilà toutes les dernières découvertes que l'on a faites ces dernières années sur les tyrannosaures, qui ont été en large partie faites parce que les tyrannosaures sont devenus extrêmement connus grâce au premier Jurassic Park. Grâce à Steven Spielberg, Olivier. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont à Paris ou en région parisienne, moi j'ai eu un coup de cœur absolu pour une expo qui est au Quai Branly en ce moment, qui s'appelle « Fantômes et enfers d'Asie ». Qui est formidable. Qui est absolument extraordinaire et qui montre les représentations qu'on a de l'au-delà, au Japon, en Chine et en Thaïlande. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est absolument extraordinaire. C'est super. Léo, en un mot. Eh bien, je fais un documentaire sur comment sauver le monde. Bon, et alors, c'est quoi la recette ? Il faut s'aimer beaucoup les uns les autres. Bon, bah, écoutez, on va s'aimer. En tout cas, on s'est aimé beaucoup au cours de cette heure. Et on va continuer à s'aimer comme vous nous aimez. Allez, merci beaucoup, Cécile Lestienne, en une de Pour la Science. L'énigme des matrices aléatoires. L'énigme des matrices aléatoires, c'est à partir de mercredi prochain. Absolument, dans les kiosques. Dans les kiosques. Olivier, Science à venir. Le nerf qui fait des miracles. Pour savoir lequel, il faut acheter le journal. Et Léo, à part comment sauver le monde, la prochaine vidéo ou la dernière? Et sur la dernière, c'était sur les peuples qui évoluent, justement. Et sur l'évolution et la sélection naturelle. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lezen, Mina Guette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro, Emmanuel Morse-Duncan. À la technique, la suite de vos aventures. Tout de suite, c'est le magazine de la rédaction. Tout à l'heure, eh bien, comme tous les vendredis, c'est la Dismoudre au bel air en direct et en public de la Maison de la Radio. Le club du grain à moudre présenté par Émilie Chaudet et la dispute d'Arne Laporte. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons de la maladie de Parkinson. Mardi, des exoplanètes. Mercredi, de la biométrie. Jeudi, dit de l'expérience de Stanford qui avait mis des étudiants dans le rôle de prisonniers et de matons, ça s'était pas très bien passé, bien apparemment tout ça était un vaste mensonge. Et vendredi, fiction, nous parlerons de Jules Verne et la science. Rendez-vous lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.